écoutez Bergerac 95 à Mussidan sur 95 FM et sur bergerac95.fr. Danser dans ce drame, de prendre à la légère, comment tu fais toi de ce vague à l'âme? J'aimerais me défaire, comment tu fais? C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi, rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas, sur la vie au train où elle va. Les néons, on l'a fait dans la cuisine. Le deuxième, c'était suspendu dans le dressing. Le petit dernier dans la bibliothèque. Il est même né sur le parquet tellement il était pressé. Merci Déco Cuisine. Des meubles solides et résistants, ça aide pour faire tout ça. Arrête Pour aménager et décorer votre intérieur, vous allez aimer Déco Cuisine à Bergerac. Et sur déco-cuisine-bergerac.com. Akena.com. Akena.com, ok. Attention Chantal, c'est à vous. Vous cherchez votre véranda, votre pergola, un carport ou un pool-house? Inutile de faire une recherche ailleurs, tapez directement Akena.com. Oh là là, t'as vu Victor, la première prise c'était la bonne. Eh oui Coco, c'est un métier. Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Votre peau est sèche ou rugueuse? Découvrez l'émollient Uriaire Hyper Plus à 10% durée. La solution hydratation du corps des laboratoires dermatologiques Eucérine. Grâce à sa formule unique, avec une haute concentration en urée, il hydrate et apaise les sensations de tiraillement. Résultat, 92% d'hydratation en plus. Émollient Uriaire Hyper Plus 10% durée, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucérine. Mesure instrumentale, pourcentage d'amélioration après 2 semaines d'application régulière, 43 participants. Ford Pro. Bénodier, devinez ce que c'est? C'est des clés, patron. Ah oui, merci, Bénodier. Bah de rien, patron. Non, mais des clés de quoi? Les clés du Transit Custom. Mais pas du tout, Bénodier. Ah. Ce sont les clés du nouveau Transit Custom, rien à voir. Ah bah oui, enfin bah non, rien à voir. Le nouveau Ford Transit Custom est disponible dès maintenant, équipé du meilleur de la technologie Ford pour booster votre productivité. Nouveau Ford Transit Custom, la référence de l'utilitaire en mieux. Ah, vous avez entendu, Bénodier. Rien à voir. Ford Pro. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. à tous les Écossais qui ont créé une jupe pour hommes, sans rien en dessous, sans que ça ne choque personne. À ceux qui ont inventé un instrument avec plein de tubes en se disant « Tiens, ça sonne bien, hein ?» Et aux mêmes qui, après ces drôles d'idées, ont bien fait de mettre des céréales dans une cuve pour faire du whisky. À tous les Écossais et aux autres, dès mardi, Intermarché offre jusqu'à 10% de remise immédiate sur une sélection de whisky. C'est ça, les 100 jours pouvoir d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 novembre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Monsieur, monsieur Lefort ! Pierre, qu'est-ce qui se passe ? On a gagné ! Gagné ? Gagné quoi ? De l'or ! Notre whisky Lefort a remporté la médaille d'or au concours général agricole de Paris. Oh, incroyable ! Alors, c'est qui le plus fort ? C'est Lefort ! C'est qui ? J'entends pas. C'est Lefort ! Oh ! J'aime mieux ça ! Brassé, distillé et élevé en France, Lefort est le seul whisky français à 42% d'alcool vendu en grande et moyenne surface au prix consommateur maximum conseillé de 19,90€, toutes taxes comprises, soit 28,43€ au litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 2,69€. Les oranges à dessert ? Eh oui, en ce moment, le filet d'orange à dessert d'1,5 kg est à 2,69€. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Eh oui, et ça nous fait 1,79€ le kilo d'orange à dessert. Encore un prix qui nous dessert. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, variété Cambria, origine Afrique du Sud. Plus d'informations sur Lidl.fr. Ben oui, tant qu'on aura besoin de véhicules qui roulent bien, on pourra compter sur Point.S. Jusqu'au 18 novembre chez Point.S, jusqu'à 150€ remboursés pour l'achat de pneus Continental et une Suzuki Swift hybride à gagner. Pas de stress, il y a Point.S. Conditions sur Point.S.fr. Leclerc, bonjour. Bon. Pardon ? Bon, ok, je voulais vous faire peur en fait, mais je vois que ça n'a pas marché. J'ai quand même le droit à des bonbons. Mais oui, bien sûr. Du 17 au 28 octobre, c'est Halloween chez Leclerc. Pour l'achat de deux paquets multipack Haribo, Dragi, Bou, Haribo ou Pika, Bou, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bonjour. Eh ben, il est arrivé quoi à votre pare-brise ? Un impact. Sûrement tombé du ciel, hein. En ce moment, pour fêter nos 20 ans, on vous offre 20 euros en carte cadeau pour toute opération de pare-brise. Ah bah alors ça, c'est vraiment tombé du ciel. Mais c'est pour ça que Motrio a obtenu la médaille d'argent du prix Wizville de la meilleure satisfaction client. Jusqu'au 31 janvier 2024, pour toute opération de pare-brise, Motrio vous offre 20 euros en carte cadeau. Et en ce moment, pour les 20 ans de Motrio, tentez de faire le plein de cadeaux sur 20ans-motrio.fr. Voir conditions dans les garages participants. Carrefour. Si je vous dis poireau. Bah moi, c'est poireau vinaigrette. Ah ben, avec les racines du poireau, je fais des chips. C'est zéro gâchis comme ça. Et si je vous dis que les poireaux origine France sont au prix imbattable de 1,29€ le kilo seulement. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Et c'est dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr. Sure.

95, l'agenda. C'est votre agenda des sorties du lundi, générique chanté. Jusqu'à vendredi, au foyer du Troc, à l'espace La Gabrielle, il y aura deux stages par jour. Le premier pour les plus jeunes et le stage de théâtre pour enfants, animé par Dorothée Le Troidec. C'est de 10h à midi. Le second de 19h à 21h et le stage de l'écriture à la scène par la bien nommée Marianne Rimbaud. Je lis dans le communiqué que partager l'information serait bon pour le karma. C'est une très bonne nouvelle pour moi, mais surtout n'hésitez pas à le faire également. À Bergerac, toujours à l'occasion du festival Quartier en scène, organisé comme chaque année par le Théâtre de la Gargouille, il y aura des stages de cirque, théâtre, danse et musique. C'est pour les 7-14 ans adhérents à des centres sociaux de Bergerac. Les ateliers se passent jusqu'à jeudi de 10h à 16h qui donneront lieu à un spectacle joué en public le vendredi à 18h. Ça se passe sous le chapiteau devant le centre social de la Brunetière et l'inscription se fait auprès des centres sociaux. Et pour finir, à Mussidan de 15h à 16h, un atelier de couture pour enfants aura lieu. Je ne sais pas si les grands enfants de 7 à 77 ans sont conviés, ce n'est pas précisé. Toujours est-il que c'est gratuit et que ça se passe au musée André Voulgre. Très belle journée à vous. Vous écoutez Bergerac 95 à Bergerac sur 95 FM et sur bergerac95.fr. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap Horn, à écouter la mer, à écouter la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent. Mets de l'amour dans tes bagages. Bon, créons un monde paradis. J'ai la mesa de carine. Moi, j'ai la simplicité. Vivez les mondes, c'est maladie. Bon, créons un monde paradis. J'ai la mesa de carine. Moi, j'ai la simplicité. Vivez les mondes, c'est des merveilles, chérie, à la vie, à Césaria sous le soleil, chérie, au petit pays, aux couleurs de Brasa, braser au Brésil, les fados, les playas, un peu Brazzaville. Y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Bergerac 95. She knows it. She knows it. She ain't afraid to show it. She knows it. No matter where she goes.

Bergerac 95. Vous avez du mal à faire respecter vos droits ? Le Défenseur des droits vous écoute et vous aide gratuitement, partout en France. Pour être conseillé et orienté, rendez-vous sur défenseurdesdroits.fr ou au 09 69 39 00 00. Appel confidentiel, prix d'un appel local. Défenseur des droits, pour que le droit n'oublie personne. Cocorico ! Bon, enfin, madame Latsou, pourquoi vous cocoricotez comme ça ? Il y a de quoi cocoricoter, jeune homme, croyez-moi. Vous saviez qu'Alkena avait plus de 70 agences partout en France ? Ah oui, quand même. Eh, c'est pas tout, jeune homme. Chez Alkena, les poseurs interviennent dans un périmètre local pour plus de proximité et moins d'empreintes carbone. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui, bon, bah, c'est tout ce que vous savez dire, vous. Véranda, pergola et carport sur... Alkena.com. Carrefour. Si je vous dis Fanta... Pamplemousse, ça change. Et si je vous dis que pour deux produits Fanta achetés, le troisième est offert, et c'est valable sur tout Fanta. Il n'y a pas que les enfants qui aiment ça. Et c'est dès demain et jusqu'au 30 octobre chez Carrefour, Carrefour Market Taylor Drive, Carrefour Contact, City et Express. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Oui, dis-moi, je suis en réunion là. Ouais, Mams, tu peux baisser le chauffage du salon ? Parce que tu peux pas le faire. Bah ça va, je croyais que c'était toi qui pouvais contrôler absolument tous les radiateurs à distance. Avec le service gratuit Mon Pilotage Élec d'Engie, pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce directement depuis votre application. Nos clients Mon Pilotage Élec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir détails sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc, bonjour. Pardon? Bon, ok, je voulais vous faire peur en fait, mais je vois que ça n'a pas marché. J'ai quand même le droit à des bonbons. Mais oui, bien sûr. Du 17 au 28 octobre, c'est Halloween chez Leclerc. Pour l'achat de deux paquets multipack Haribo, Dragie, Bou, Haribou ou Pika, Bou, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tu ne m'as pas attendu pour acheter nos pneus Bridgestone chez First Stop ? Oui, ni pour les faire monter, Martine. Oh, et on peut savoir pourquoi ? Parce que jusqu'au 19 novembre, Martine, First Stop nous rembourse jusqu'à 150 euros pour l'achat et le montage de pneus Bridgestone. 150 euros ? Mm-hmm. Oh, il a bon dos l'hiver ! Conditions sur firststop.fr. Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2 ? Pour faire quoi ? C'est pas de l'or ou de la cocaïne ? Seul contre tous, un enquêteur entre dans une traque hors norme. Son but, coincer la bande d'escrocs qui fait des milliards d'euros sur le dos du climat. D'argent et de sang, première partie. Une création originale de Xavier Canoli. Nouvel épisode ce soir, seulement sur Canal+. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et ce mois-ci, il y a du nouveau. Grâce à ma carte Netto, cagnotez jusqu'à 10 euros chaque semaine. Oui ! Et oui ! Et pour l'obtenir, téléchargez l'appli Netto sur votre mobile. Vous pourrez aussi consulter vos prospectus, vos tickets et surtout, bénéficier d'offres exclusives. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Netto. Application gratuite sans obligation d'achat. Conditions et liste des produits concernés pour cagnoter sur netto.fr. Monsieur Lefort ! Pierre, qu'est-ce qui se passe ? On a gagné ! Gagné ? Gagné quoi ? De l'or ! Notre whisky Lefort a remporté la médaille d'or au concours général agricole de Paris. Oh, incroyable ! Alors, c'est qui le plus fort ? C'est Lefort ! C'est qui ? J'entends pas. C'est Lefort ! Oh, j'aime mieux ça ! Brassé, distillé et élevé en France, Lefort est le seul whisky français à 42% d'alcool vendu en grande et moyenne surface au prix consommateur maximum conseillé de 19,90€ toutes taxes comprises, soit 28,43€ au litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même deux jours, ou trois, ou même quatre, hein. C'est bien quatre. Et pourquoi pas cinq, tiens? Eh ben, on a encore mieux que ça. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Le sirop de grenadine Paquito est à seulement 1,39€, le moins cher de France. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 75 centilitres, soit 1,86€ le litre, sur la base d'un relevé en date du 23 octobre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre,

silence. Je pense, troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je danse. De votre région. C'est Bergerac 95. Bergerac 95. Actu local, national et forcément libre pour vous accompagner. Bergerac 95. Au cœur de votre région. Bergerac 95. écoutez Bergerac 95 à Mussidan sur 95 FM et sur bergerac95.fr. Drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my. Bergerac 95, c'est votre happy radio au cœur de la région. Ed Sheeran vient de passer à l'instant avec Eyes Closed et je vous dis bonjour. Très heureux de vous retrouver, c'est Evan. On est ensemble jusqu'à 20h pour l'happy hour. En plein pendant les vacances scolaires, les vacances de la Toussaint. Et je serai là tout au long de la semaine. On va se régaler ensemble avec tous vos tubes. Des cadeaux également, on en parlera dans un instant à l'occasion de la sortie du titre et l'album de Grégoire. C'est celui qui chantait Toi plus moi. Je vous explique tout dans quelques minutes. Vous allez pouvoir vous régaler en termes de cadeaux cette semaine. On parlera bien évidemment de tout ce qui va se passer dans la région, toutes les activités. Et puis l'actualité locale sera de retour tout à l'heure. Ce sera à 17h pour la suite de vos tubes Robin Schulz. Dans un instant, juste après Nuit Incolore, voici Crush. Je suis totalement moi quand je suis à moitié moi. J'accumule les soirées, je ne les lis plus au matin. Je peindrai le ciel avec le rouge de ton cœur. Je remplirai la mer avec le goût de mes pleurs. Je suis en enfer et contre toutes. Dans mes souvenirs goutte à goutte, les murs m'appellent à m'en redoute. Et même à Paris au mois d'août, mes mains pleines de caresses sentent la peine se dessèche. Quand je t'aime, je suis en carence. Mes songes je saigne sans un. Je sais pas comment te le dire, j'ai beau me l'interdire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi et tu me le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'inquiète, trop loin de moi. Mes yeux fait contre toi. La distance est un démon, captive d'une fiction. Je retourne le monde et je vagabonde à l'aide. forge qui me donne à t'aimer jusqu'en enfer. Coup Jupiter, faut qu'il s'abrège. Faut qu'il s'abrège. C'est pas le miroir qui est sale, c'est le reflet de mon âme. Dans une rafale, je ne dis plus qu'en image. Je sais pas comment te le dire, j'ai beau me l'interdire. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi. Mon cœur accroche sur toi et tu ne le sais même pas. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin de moi. Mon cœur fait contre toi. La distance est un démon, captif d'une fiction. Allez, de soindre mes têtes. Je retourne le monde et je vagabonde. Allez, ton être m'obsède. Je m'y accroche encore. C'est mon seul réconfort. Vous écoutez Bergerac 95 à Ici Jacques sur 95 FM et sur bergerac95.fr. When you say you want me, I just lose control. I'm out of my body, feels like letting go. High up on the ceiling, ready to explode. My hands are so feeling when I hold you close. Keep me in the dark, make you love me harder. Smash my heart like a pit in yada. Sweetest star, tearing me apart. Baby, smash my heart, baby, smash my heart. Keep me in the dark. There's magic inside. Lost in the crush, I come alive. When you smash my heart, when you smash my heart. Keep me in the dark, when you love me harder. Smash my heart like a pit in yada. Sweetest God, tear me apart. When you smash my heart, when you smash my heart. Keep me in the dark. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant.

À cette période de l'année, c'est souvent pluvieux. Et rouler sous cette pluie, ça peut être stressant. Chez Carglass, on a une solution. Le traitement Carglass anti-pluie. Avec ce traitement pour votre pare-brise, les gouttes de pluie perlent et sont vite éjectées. Vous y voyez beaucoup mieux. Et pour conduire, c'est plus confortable. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous l'offre. Et oui, on vous l'applique gratuitement jusqu'au 10 novembre. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Oui, dis-moi, je suis en réunion là. Ouais, Mams, tu peux baisser le chauffage du salon ? Parce que tu peux pas le faire. Bah ça va, je croyais que c'était toi qui pouvais contrôler absolument tous les radiateurs à distance. Avec le service gratuit Mon Pilotage Élec d'Engie, pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce directement depuis votre application. Nos clients Mon Pilotage Élec ont réduit en moyenne de 18% leur consommation d'électricité. Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir détails sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Alors, t'as vu le match hier soir ? Ouais, bien sûr. Et t'en as pensé quoi ? Oh bah, grosse bataille au milieu de terrain, manque de réalisme devant, mais bon, le football, c'est le football. Ouais, t'as pas regardé quoi ? Non, j'ai pas Canal+. Les connaisseurs ne s'y trompent pas, c'est sur Canal+, que se vit l'UEFA Champions League. Vivez la troisième journée avec RC Lens, PSV Eindhoven, demain à 21h sur Canal+ Foot, et Paris SG AC Milan, mercredi à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et ce mois-ci, il y a du nouveau. Grâce à ma carte Netto, cagnotez jusqu'à 10 euros chaque semaine. Oui ! Eh oui ! Et pour l'obtenir, téléchargez l'appli Netto sur votre mobile. Vous pourrez aussi consulter vos prospectus, vos tickets et surtout, bénéficier d'offres exclusives. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Application gratuite sans obligation d'achat. Conditions et liste des produits concernés pour cagnoter sur netto.fr. Pourquoi préférer MAF Pro ? Parce que du 2 au 31 octobre, il y a 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. La MAF, je préfère la MAF. Conditions de l'offre sur maf.fr. À tous les Écossais qui ont créé une jupe pour hommes, sans rien en dessous, sans que ça ne choque personne. À ceux qui ont inventé un instrument avec plein de tubes en se disant « Tiens, ça sonne bien, hein ?» Et aux mêmes qui, après ces drôles d'idées, ont bien fait de mettre des céréales dans une cuve pour faire du whisky. À tous les Écossais et aux autres, dès mardi, Intermarché offre jusqu'à 10% de remise immédiate sur une sélection de whisky. C'est ça, les 100 jours pouvoir d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 5 novembre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous perdez vos cheveux ? Le complément alimentaire Anacaps Réactif de Ducray favorise la croissance des cheveux en seulement 2 mois grâce à la prêle des champs. Anacaps de Ducray, pour des cheveux plus forts et plus denses. En pharmacie et parapharmacie. Ducray, recommandé par les dermatologues. Étude Technisense réalisée auprès de 77 personnes en juin 2023. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc, bonjour. Bon. Pardon ? Bon, ok, je voulais vous faire peur en fait, mais je vois que ça n'a pas marché. J'ai quand même le droit à des bonbons. Mais oui, bien sûr. Du 17 au 28 octobre, c'est Halloween chez Leclerc. Pour l'achat de 2 paquets multipack Haribo, Dragie, Bou, Haribou ou Pika, Bou, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Quand on est spécialiste canapé comme moi, ce qui compte, c'est votre confort. Et à propos de compter, j'ai une bonne nouvelle. On ouvre les 300e magasin poltrons et sofas à Néron. Pour fêter ça, Poltrons et Sofas vous fait économiser 60% sur les canapés de la collection 300. Et cette semaine, la livraison est garantie avant Noël. Ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. Poltrons et Sofas, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. I want you to hold me, don't let me go. Be the one and only, take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire.

Vous écoutez Bergerac 95 à Vert sur 95 FM et sur bergerac95.fr. plus rien sentir. Inconscient minéral, que le moindre désir, plus de peur ni de mal. Gérald Palmas avec J'en rêve encore, le grand classique, un des grands classiques hein, de cet artiste qu'on aime énormément, qui a décidé d'arrêter sa carrière. On l'a appris il y a quelques jours. Dans deux secondes, Vita avec les choses qu'on fait à 17h, ça sera le retour de l'actualité locale et de la météo de chez nous. Et puis on va entendre One Republic dans un instant avec Runaway. Attention, ce sera la dernière balade gourmande de Bergerac ce mercredi. Donc il faudra en profiter. Chaque mercredi, déjà depuis plusieurs mois maintenant, l'office de tourisme propose une visite guidée de Bergerac avec quelques dégustations qui sont prévues et vous pouvez ensuite vous balader tranquillement sur le marché. C'est une visite qui ne convient pas aux personnes végétariennes et végétaliennes et ou végétaliennes. Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme de Bergerac. Et attention, c'est une visite non annulable ni remboursable après inscription. Alors attention, c'est la dernière des dernières pour cette période 2023. Donc ce mercredi à partir de 10h30. Voici One Republic maintenant avec Runaway pour la suite de votre tube. Runaway. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got. Wonder.

Bergerac 95, au cœur de votre région. Il est 17h. Bergerac 95. 17h sur Bergerac 95, tout de suite, le journal régional. C'est avec Émilie, bonjour. Bergerac 95, les infos régionales. Bonsoir à tous. De rares éclaircies cet après-midi, peut-être de rares averses ce soir, mais assurément de la pluie la nuit prochaine sur l'ensemble du département. Mais d'après Météo France, demain, ça ira mieux. On fait le point complet sur la météo juste après l'info. Une femme de 76 ans, victime d'un grave accident cet après-midi à Saint-Antoine-de-Breuil. Il était aux alentours de 14h30. La femme qui aurait perdu le contrôle de sa voiture, qui a terminé sa course contre un arbre sur le rond-point à l'entrée de la commune en venant de Montcarré. Elle était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Une trentenaire a perdu la vie sur les routes de Dordogne ce week-end, près de Thiviers. La voiture dans laquelle elle se trouvait, qui est allée percuter un arbre samedi vers 15h. La femme de 32 ans est décédée sur le coup. Le conducteur se serait assoupi au volant. Deux enfants se trouvaient également à bord. Les retraités dans la rue demain, et notamment en Périgord, les retraités des organisations syndicales de Dordogne qui appellent à se mobiliser aussi en faveur d'une augmentation des pensions. Ils demandent une hausse de 10% pour compenser la perte de pouvoir d'achat. Demain, le rassemblement est prévu à 10h30 devant la sous-préfecture de Bergerac, place Gambetta, une demi-heure plus tôt à Périgueux. Quelques 500 personnes se sont rassemblées ce week-end pour soutenir le nouveau projet de contournement de Beynac, qu'il faut maintenant appeler boucle multimodale. Rassemblement devant l'ancienne gare de Castelnau-Feyrac en présence de nombreux élus. Et concernant ce nouveau projet d'aménagement, notez qu'une deuxième réunion publique est organisée le 26 octobre à 18h au théâtre de l'Odyssée à Périgueux, réunion qui doit permettre de faire un compte-rendu des quatre ateliers de travail de concertation. Et puis en sport, il y a des week-ends qu'on souhaiterait oublier. C'est le cas sans doute pour les rugbymen de Bergerac et Périgueux. Le CAP qui a manqué une belle occasion de se rapprocher de la place de leader et l'USB qui s'est laissé déborder par la lanterne rouge. On y revient dans les résultats sportifs du week-end sur bergerac95.fr. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en région. La météo avec Allianz Andrés Bergerac, concessionnaire Mitsubishi, Suzuki, MG, spécialiste des véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables. C'est un après-midi maussade et pluvieux, un temps à rester à l'écoute de Bergerac 95 pour avoir du soleil dans les oreilles. Côté Mercure, nous aurons 20 degrés à Vert et Creys, 21 à Gros-Léjac, Limeuil et Trémola. Dans la soirée, il fera 16 degrés à Chalagnac et Journiac et 17 degrés à Sarlat, Issy-Jac et Bergerac. Started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. She's feeling like the prime of her life. But all of that is just a dream, shattered now. And everything's changed with one car and one night. It's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. Wait! out of the future, I'd rather be here, thinking about the now, 'cause this breath could fade fast, and this day could be your last. Écoutez Bergerac 95. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. I'm still home. And left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. Rest in peace. Bergerac 95 avec Benson Boone et Philippine Lavray. On vient d'écouter In The Stars. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. C'est Evan, je vous accompagne comme tous les jours, 16h-20h pour votre émission L'Happy Hour partout en Dordogne et en Périgord. Avec tous vos tubes Harry Styles à suivre dans un instant. On aura le flash d'actualité nationale tout à l'heure, ce sera à 17h15. Et tout de suite, comme tous les jours à cette heure-ci, c'est notre rendez-vous quotidien, votre rubrique mobilité. On y va. La rubrique mobilité avec Optique Chez Vous, votre opticien à domicile. Prenez rendez-vous, info sur opticchezvous.fr. Avec Optique Chez Vous, prenez du temps pour vous. C'est votre rubrique mobilité. Jetons un œil sur les pompes les moins chères du Bergeracois. Aujourd'hui, n'est pas coutume, préférez le Leclerc, la Cavaille. Le gasoil est à 1,84€, le sans-plomb 95 est à 1,80€, le sans-plomb 98 à 1,83€, le E10 est à 1,76€, le E85 est à 97 centimes et le GPL est à 93 centimes. Si vous possédez une voiture électrique et que vous êtes à court de jus, pas de panique. Vous trouverez des bornes de recharge à Prigonrieux, rue du du 19 mars 1962 au tarif de 55 centimes le kilowattheure, ou encore à Bergerac, rue de Candiac, au prix de 55 centimes le kilowattheure avec 3 heures de gratuité de 7h à 23h. Si vous optez pour le covoiturage, sachez qu'il y a des aires à Pombonne, route de Coulobre, ou encore au Lèche sur la départementale 709. C'est la fin de votre rubrique mobilité, rubrique que vous pouvez écouter ou réécouter en podcast sur bergerac95.fr. Très bonne route à vous. Vous écoutez Bergerac 95 à Aimé sur 95 FM et sur bergerac95.fr. Bonsoir à tous, Elisabeth Borne appelle à une trêve humanitaire à Gaza alors qu'un troisième convoi d'aide à la population est arrivé aujourd'hui. La première ministre estime qu'il faut l'intensifier sous l'égide des Nations Unies, déclaration cet après-midi à l'Assemblée nationale. Concernant le conflit, elle a indiqué qu'Israël avait le droit de se défendre dans le respect du droit international tout en épargnant les civils et en rappelant que le Hamas n'était pas le peuple palestinien. Écoutez. Ceux qui confondent le droit des Palestiniens à disposer d'un État et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Ils ne servent en rien la cause palestinienne. Et soyons très clairs, les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Le Hamas n'est pas le peuple palestinien. L'autorité palestinienne est notre interlocuteur légitime qui se bat depuis des années pour la paix. En agissant comme il l'a fait, le Hamas a exposé délibérément, de manière criminelle et cynique, toute la population de Gaza. Elisabeth Borne qui a également demandé des garanties de sécurité durable pour Israël et un État pour les Palestiniens. La seule solution, c'est la paix, a conclu la Première ministre sous les applaudissements des députés. Emmanuel Macron, lui, se rendra demain en Israël, un déplacement sous très haute sécurité. Le président français rencontrera notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour évoquer en particulier le sort des otages du Hamas. Dans l'actualité également, de fortes averses attendues dans la soirée sur un quart sud-est de la France. 5 départements sont en alerte orange pour pluie et inondations. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura. Une vigilance qui concernera également dès demain les Alpes-Maritimes, un territoire qui se remet à peine du passage de la tempête Aline. Et puis la colère de The Rock, l'acteur américain Dwayne Johnson a critiqué la statue de cire à son effigie dévoilée par le musée Grévin il y a quelques jours. Il a notamment pointé du doigt la couleur de sa peau qui a été légèrement blanchie. Le musée a indiqué qu'il allait retravailler dès ce soir le personnage avant de le présenter au public. Très bon début de soirée à tous. Bergerac 95, votre happy radio au cœur de la région. Au cœur de la région. On aurait pu se dire au moins mille fois au revoir, trop tard. On se serait regardé dans les yeux en se racontant ce qui nous liait les deux. Dire merci à toutes ces dingueries qui nous ont détruites un peu. Autour de nous, est-ce que les gens sont jaloux? On en deviendrait presque. Et à force de parler, d'écouter, de s'énerver, de sévir, de détruire, d'oublier, s'écraser, c'est l'avenir qui nous a forcés à nous quitter. Alors je dis pas non. Que ce sera dur, même un peu cruel, de se faire couper les ailes. Et même si tu penses que c'est mon problème, t'es dedans ou t'y es quand même. Et à force de résister, tenir bon, se révolter, d'aller contre, se déchirer, se presser, c'est l'avenir qui nous a forcés à nous quitter. Alors je dis pas non. Qui te le dit, l'histoire est censée, mais elle commence là où elle doit s'arrêter. Les gens qui te feront croire le contraire seront les mêmes qui te trahiront par derrière, les mêmes qui me poussent à chanter et crier. Mais avant d'écrire mes chansons, je pense à lui qui m'inspire, je pense à nous quand je respire. J'arrête de me lamenter sur le passé, trouver des excuses à ce qui nous arrive, sur ce qui s'est passé, de rester dans le droit chemin, main dans la main. C'est ce que je me dis chaque matin, toujours croire que l'univers est contre moi, qu'il me pousse dans le néant sans toi. Alors je dis pas non. Bergerac 95. À cette période de l'année, c'est souvent pluvieux. Et rouler sous cette pluie, ça peut être stressant. Chez Carglass, on a une solution. Le traitement Carglass anti-pluie. Avec ce traitement pour votre pare-brise, les gouttes de pluie perlent et sont vite éjectées. Vous y voyez beaucoup mieux. Et pour conduire, c'est plus confortable. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous l'offre. Et oui, on vous l'applique gratuitement jusqu'au 10 novembre. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.